Le vieux prêtre, scène du ghetto polonais, par Léopold von Sacher Masor. Errer, toujours errer. Lorsqu'on les eut conduits en Égypte, et d'Égypte dans la terre de Canaan, lorsqu'on les eut retenus en captivité à Babylone, et après la destruction de Jérusalem, dispersés dans toutes les contrées du monde, lorsqu'on les eut égorgés et martyrisés dans les villes de l'Allemagne, ils trouvèrent enfin une patrie à l'Est. Ils devaient, tout comme les autres au milieu desquels ils vivaient, travaillaient pour assurer leur existence. Comme eux, ils connaissaient la misère, la mère pauvreté, le joug d'un labeur assidu et constant. Mais ils cherchaient, eux, leur consolation, non point dans les tavernes d'eau-de-vie, mais parmi leurs coreligionnaires, au sein de leur famille, près de leurs femmes, de leurs petits-enfants. Ils se sentaient heureux. Leur vieux bâton de pèlerinage avait poussé des racines dans la terre slave. Ils commençaient à reverdir. Qui sait? Peut-être même refleurait-il en une nuit. Une foule grossière, cruelle, ignare, avait pénétré un jour dans la rue sale et obscure où ils habitaient, tassés, et avait détruit la fourmilière par eux construite avec tant de peine. On avait tué, torturé les hommes, insulté les femmes, et les enfants même n'avaient pas été épargnés. On avait démoli, rasé leurs maisons, volé l'argent et les valeurs qui s'y trouvaient, et avant tout, on n'avait pas laissé une goutte d'eau-de-vie. Puis les soldats étaient arrivés et avaient dispersé la populace, et les enfants d'Israël, délibérés maintenant sous le seul toit qu'on eût pu leur ravir, la voûte immense et bleue, brodée d'astres d'or. La même nuit encore, ils reprirent leur vieux bâton de pèlerinage et s'éloignèrent à l'ouest, bien loin, leur regard morne fixé sur l'horizon inconnu. Triste caravane, plus triste que s'ils se fussent trouvés au désert, car à chaque pas ils rencontraient la haine sur leur chemin, le mépris et la persécution. Et cette fois, aucun miracle pour leur rendre un peu d'espoir. Moïse n'était plus là pour tirer du rocher de l'eau limpide avec sa baguette, et on ne laissait même pas les pauvres fugitifs boire aux fontaines qu'ils rencontraient sur leur route. Enfin, au poteau noir, rayé de jaune, surmonté de l'aigle à deux têtes. La frontière galicienne. Déjà, ils se croyaient sauvés. Mais voici des gendarmes, voici les douaniers qui s'avancent à leur rencontre. On exige d'eux, les expatriés, des passeports. On les visite, eux qu'on a dépouillés de tout ce qu'ils possédaient, eux qui ont eu peine à sauver leur pauvre existence. On les fouille, croyant trouver, cachés dans leurs haillons, des trésors défendus. Leur pauvreté, leur patience ont raison de ce nouvel obstacle, et il leur est permis de passer la frontière. Un village gai et propret, un clocher au toit de briques rouges orné d'une croix brillante. Les fugitifs longent les cabanes de chaume, les haies odoriférantes, les arbres craquant sous leurs butins de fruits, et font halte devant l'église, sur la place, où jaillit une belle fontaine. Les paysans les entourent, les examinent curieusement. Ils ne leur font aucune avance, mais au moins on ne les insulte pas, et un petit garçon, un blondin beau comme un ange et vêtu d'une chemise flottante, grimpe même sur un arbre rouge de cerise vermeille et leur apporte les fruits qu'il a cueillis pour eux. Mais arrive tout à coup Barbashko, le vaurien, le voleur de chevaux redouté dans toute la contrée. Il se mêle à la foule ébahie. « Vous restez là, vous, et vous attendez qu'ils aient empoisonné vos fontaines et massacré vos habitants pour leurs sacrifices? N'est-ce pas un péché d'accueillir au milieu de nous ces maudits qui ont crucifié le Christ et qu'on traque comme des bêtes fauves, qu'on chasse de partout avec horreur? Et vous les toléreriez ici, vous? Quelle honte! Chassez-les, mais avant qu'ils s'éloignent, il faut qu'ils nous payent une rançon. » Telles furent les paroles du misérable, et son discours trouva bientôt un écho parmi la masse. La foule se mit à chuchoter, à murmurer, et prit une attitude menaçante. « Avec quoi nous payerions-nous » répartit le rabbin qui, courbé, la barbe et les cheveux blancs y appuyés sur un bâton, se tenait au milieu des siens. « Ne nous a-t-on pas tout ravi? Donnez-nous à manger et à boire, par charité, et laissez-nous dormir un peu sur la terre nue, nous vous bénirons, et avant la nuit, nous aurons quitté ces lieux. » « Nous vous connaissons, » s'écria Barbashko, « vous emportez des trésors avec vous, l'argent que vous avez soutiré au pauvre peuple, payez une rançon et puis en route, sur le champ. « Fouillez-nous, » répondirent quelques voix parmi la foule des enfants d'Israël. « Convainquez-vous que nous sommes plus pauvres que vous. « Trompez qui bon vous semble, » hurla Barbashko, « vous ne nous tromperez pas à nous. » Et comme un signal donné, la masse excitée s'arma en un clin d'œil. Les hommes prirent leurs fléaux et leurs faux. Les femmes et les enfants ramassèrent les pierres qui jonchaient la route. Ils se jetèrent tous à la fois sur les pauvres expatriés qui prirent la fuite en criant et en gémissant. Fuir, mais où ? Devant eux, la rue était barrée par leurs ennemis. Derrière eux, il en était de même. Un asile seul leur restait, le cimetière, entouré par un mur bas et au milieu duquel se dressait l'église. La porte, surmontée d'une croix, en était ouverte. C'est là qu'on les poussa sous une avalanche de coups et une pluie de pierres pour les massacrer après avoir fouillé leurs vêtements. Soudain, sur les marches supérieures de l'église, un vieillard parut, vêtu d'une soutane lisse de prêtre. Sa longue chevelure blanche flottait au vent. Il tenait entre les mains un crucifix. « Halte ! Malheureux insensé ! » s'écria-t-il. « Est-ce là la religion de la charité que je vous enseigne ? Êtes-vous des Turcs ou des Tartares ? Qu'ils livrent leur argent ! » vociféra la foule d'une seule voix. « Personne ne touchera un cheveu de leur tête !» continua le serviteur du Christ d'une voix haute qui vibrait dans l'air comme un son d'orgue mélodieux. « Voici l'image du Sauveur qui est mort sur la croix pour l'humanité, pour eux aussi bien que pour nous. Lui est tout amour et miséricorde. Il ne vous reconnaît plus comme les siens, à cette heure, païen, blasphémateur. » La foule effrayée se retira pour délibérer. Les pauvres enfants d'Israël profitèrent de cette courte trêve pour se blottir derrière les murs du cimetière. Mais à peine le dernier d'entre eux avait-il franchi le seuil de la porte que les pierres se remirent à voler de plus belle. Ici, une femme juive tomba, blessée grièvement, sur une tombe. Là, sanglotait un enfant dont la noire chevelure était abîmée du sang qui ruisselait sur ses joues. Alors, le prêtre aux cheveux blancs, pris d'une résolution subite, ouvrit rapidement le portail de l'église. « Entrez, malheureux, vos frères vous massacrent, mais lui qui est amour, lui qui est l'asile des persécutés, il vous accueille dans son temple. » La foule stupéfiée s'arrêta, tandis que les pauvres juifs, tout tremblants, se précipitaient dans l'église, dont les portes se refermèrent sur eux miséricordieusement. « Et maintenant à votre tour !» continua le prêtre en s'adressant aux paysans. « Ce n'est pas vous qui êtes érigé en juge sur la terre. Dieu seul est juge. Malédiction sur vous. Le Sauveur détourne avec horreur son visage de vous. L'Église vous rejette et vous bannit, jusqu'à ce que le repentir s'éveille dans vos cœurs et que vous fassiez pénitence pour votre acte inhumain et méprisable. » Avec deux gestes pleins de dignité et de juste colère, il verrouilla la porte du cimetière. Un instant, la foule resta pétrifiée, puis elle se dispersa lentement. Quelques instants après, la place devant l'église était déserte. Donne à manger à ceux qui ont faim. Ce commandement du Sauveur était inscrit, lui aussi, dans le cœur du vieux prêtre. À peine la tranquillité fut-elle rétablie, qu'il fit allumer de grands feux entre les tombeaux, et le boucher juif se mit à examiner le veau, les moutons et la volaille que le prêtre avait distribués aux malheureux affamés. Bientôt ils apprêtèrent leur repas. Ils se mirent à cuire, à rôtir de la viande, et les femmes de la cure leur apportèrent de l'eau et du lait dans de larges seaux. Midi arriva, et les cloches ne sonnèrent point. Le soir vint, elles restèrent silencieuses, et le jour suivant, on n'entendit pas leur voix harmonieuse qui semblait descendre du ciel pour verser dans les cœurs le baume de la consolation. La commune était sous le coup d'une excommunication. Elle en ressentit les suites d'une façon bien amère. On apporta un enfant pour le faire baptiser. Le prêtre ne le baptisa pas. Des fiancés arrivèrent suivis de musiciens qui jouaient du violon et de la flûte pour conclure leur union éternelle. Le prêtre ne leur donna pas sa bénédiction. Avec des gémissements et des larmes, on apporta un cadavre. Le prêtre ne consacra pas la cérémonie mortuaire. 3 jours et 3 nuits, les pauvres expatriés restèrent blottis entre les tombes. 3 jours et 3 nuits, les paysans se révoltèrent. Enfin, le juge du village se présenta à la cure et déclare en soupirant que la commune consentait à faire pénitence. « Je n'exige de vous rien d'autre, » dit le vieux prêtre d'une voix douce, « que d'accomplir les préceptes du divin Sauveur. » Le même soir, une étrange caravane se mit en route. Elle se composait d'une 50aine de charrettes rustiques sur lesquelles les pauvres juifs fugitifs, avec leurs familles, se tenaient pressés. Des paysans, armés et à cheval, les accompagnaient pour les protéger. À leur tête marchait le vieux prêtre, portant haut la croix. C'est ainsi qu'on les amena à la résidence où leurs coreligionnaires leur firent bon accueil et leur accordèrent asile. Pour combien de temps ? Un jour, il s'agira de se remettre en route, de se diriger sur l'Espagne et plus loin, au-delà des mers, là-bas, où flotte la bannière de la liberté. Toujours errer, toujours. C'était le vieux prêtre, par Léopold von Sacher-Masoch.